Donc, toutes vos questions ont été regroupées sous différentes thématiques. Donc, tout d'abord, la définition du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Nous verrons ensuite les premières actions qu'il faut mener et avec quels interlocuteurs. Nous verrons ensuite ce qu'est une enquête réussie et enfin, quels sont les recours en cas d'enquête bâclée. Donc, en guise d'introduction, et nous avons reçu plusieurs questions à ce sujet, pouvez-vous nous définir ce qu'est le harcèlement moral et le harcèlement sexuel et comment prouver ces deux formes de harcèlement? Je vous cède la parole, maître. Merci Myriam. Sur la question de la définition, pour reprendre les mots de Marie-France Irigoyen, psychiatre et psychanalyste, dès 1998, elle définissait le harcèlement au travail comme toute conduite abusive, geste, parole, comportement, attitude qui porte atteinte par sa répétition ou sa systématisation à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique d'une personne, mettant en péril l'emploi de celle-ci ou dégradant le climat de travail. C'est cette définition qui a inspiré la loi de 2002 qui a inscrit le harcèlement moral dans le Code du travail. L'article L1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ce sont donc, un, des agissements répétés. On pense par exemple à des avertissements pour des faits insignifiants, un changement de poste sans réelle justification, des consignes contradictoires, etc., etc. Sachant que, contrairement aux idées reçues, peu importe que l'auteur du harcèlement ait cherché délibérément à nuire aux salariés, en réalité, l'intention de nuire n'est pas nécessaire pour établir les faits de harcèlement. Le harcèlement institutionnel, notamment, résulte de pratiques managériales pathogènes et pas particulièrement du comportement d'un individu. Il faut donc se défaire de la notion d'intention. Et à noter qu'on distingue plusieurs formes de harcèlement moral, et particulièrement le harcèlement individuel, le harcèlement institutionnel ou encore le harcèlement transversal. Deuxième point, il faut que ces agissements répétés aient un effet qui constitue une dégradation des conditions de travail sur la santé. On pense aux arrêts maladie pour épuisement professionnel, aux rétrogradations, à la surcharge de travail, par exemple. Le harcèlement sexuel, quant à lui, est prohibé par l'article L1153-1 du Code du travail, qui lui vise d'une part des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée, lesquels soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Pour exemple et en illustration, nous intervenons pour des salariés dont l'employeur avait le bon goût d'appuyer sur une sonnette où il était inscrit pour du sexe, sonnez ici, et qui appuyait sur cette sonnette pour leur demander de venir dans son bureau pour faire le point sur les dossiers. Deuxièmement, ce sont des faits assimilés au harcèlement sexuel qui constituent en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. On parle ici du chantage sexuel. C'est le fait même non répété d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, et c'est par exemple le cas du chantage à la promotion ou au licenciement. Pour la preuve, en ce qui concerne la preuve du harcèlement, devant le conseil de prud'homme, cette preuve est aménagée entre le salarié et l'employeur en trois temps. D'une part, le salarié doit d'abord présenter des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, par exemple des sanctions disciplinaires pour des faits insignifiants, des attestations, des échanges de mails, des entretiens annuels, des certificats médicaux. Il revient ensuite à l'employeur d'établir que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement. C'est justifié par des éléments objectifs, par exemple, apporter la preuve que les avertissements faisaient suite à une réelle faute du salarié ou que le changement d'horaire, par exemple, était dû au remplacement temporaire d'un salarié absent. Puis le juge va former sa conviction au vu de l'ensemble de ces éléments. Ces faits seront appréciés dans leur ensemble, et non de manière séparée. Par exemple, on peut vous citer au sein du cabinet un dossier qu'on traite, une salariée qui travaillait dans la restauration rapide, à laquelle on a imposé un changement d'horaire à son retour d'arrêt maladie, associé à la consigne donnée à son manager de la filmer pour surveiller son activité, dont la dépression a été certifiée par le médecin. C'est donc très important d'avoir présent à l'esprit que c'est l'ensemble de ces faits qui seront appréciés. Et à ce stade, je tiens tout de suite à alerter les représentants du personnel, comme les directions des ressources humaines. En réalité, je crois qu'il faut être très humble face à la définition du harcèlement. Il faut être factuel, s'efforcer de ne pas porter de jugement du type « lui, je le connais, il fait tout le temps des histoires, il est tout le temps en arrêt ». Il faut plutôt considérer les plaignants comme des sentinelles d'une organisation qui dysfonctionne, que comme celle qui serait trop faible dans cette organisation. Très bien, merci beaucoup, maître. Je crois que tout le monde a énormément réagi à votre histoire sur la clochette mise en place par l'employeur. C'est quand même assez hallucinant. C'est vrai, c'est pas. Clémentine, quelles sanctions peuvent être encourues dans ces deux cas? Et dans quelles conditions un salarié harcelé peut-il aller au pénal? Alors, concrètement, l'employeur risque d'engager sa responsabilité si les faits de harcèlement sont avérés et qu'il n'a pas pris les mesures adéquates pour prévenir ou faire cesser les agissements. Et même si la qualification de harcèlement est ensuite écartée en justice, il peut être condamné pour ne pas avoir agi, ce quand bien même le harcèlement suspecté n'était que potentiel. Alors, l'employeur va également encourir des dommages et intérêts en lien avec son obligation de santé et de sécurité ou encore en lien avec l'exécution déloyale du contrat. Il risque également une prise d'acte ou une résiliation judiciaire à ses torts si aucune mesure n'est prise et si les faits rendent impossible la poursuite du contrat de travail. Ou encore, il va risquer une requalification du licenciement pour inaptitude s'il fait suite à des manquements de l'employeur en matière de prévention des faits de harcèlement. Il y a également un autre risque qu'il peut encourir dans le domaine, cette fois-ci, du droit de la sécurité sociale. La pathologie qui résulte du harcèlement peut être reconnue par la CPM comme maladie professionnelle, si par exemple le salarié souffre d'un syndrome anxio-dépressif, ou encore comme un accident du travail en cas de suicide. Et le cas échéant, si l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, le salarié peut intenter une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce qui va notamment avoir pour effet une majoration de la rente, la liquidation des préjudices ou encore une augmentation du taux de cotisation. Il est aussi important de rappeler que si le salarié qui est auteur des faits de harcèlement encourt une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'au licenciement, l'action prud'homale est spécifiquement dirigée contre l'entreprise qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié et le salarié du harcèlement pour avoir échoué en fait à préserver sa santé et sa sécurité dans l'entreprise. Maintenant, d'un point de vue pénal, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont également punis par la loi d'une peine d'amende et d'une peine privative de liberté, donc par les articles 222-33-2 du Code pénal pour le harcèlement moral et par l'article 222-33 du Code pénal pour le harcèlement sexuel. Alors concrètement, comment ça se passe? La victime de faits de harcèlement va déposer plainte, à savoir qu'il peut se passer un certain nombre de temps avant que le procureur décide de poursuivre ou qu'un juge d'instruction soit désigné, si d'ici là la plainte n'a pas été classée sans suite. Et contrairement au droit social, le droit pénal suppose l'existence d'une intention, donc pas d'une intention de nuire, juste d'une intention. Donc le droit pénal exige davantage d'éléments matériels que l'exige le droit social. Mais la présence des syndicats peut donner du poids au dossier. Donc, rappelons-le, c'est à la suite d'une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et harcèlement moral déposée par le syndicat Sud à la fin de l'année 2009 contre France Télécom que le parquet de Paris a requis l'ouverture en 2010 d'une information judiciaire. Donc, en résumé, on peut dire que l'action civile va permettre à la victime d'obtenir réparation de son préjudice devant le conseil de prud'homme en réclamant notamment des dommages et intérêts auprès de l'employeur, même si ce dernier, rappelons-le, n'est pas le harceleur, et devant le tribunal judiciaire en reconnaissance d'une faute inexcusable. Et l'action pénale, elle va permettre quant à elle d'obtenir la condamnation de la personne coupable des agissements fautifs et des dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel. Très bien, merci beaucoup Clémentine. Donc venons-en maintenant aux premières actions à mener et les différents acteurs qui ont un rôle à jouer. Une première question, tout d'abord sur le rôle du référent harcèlement sexuel. Est-ce qu'il peut également jouer le rôle de référent harcèlement moral? Alors, si la loi ne prévoit pas la désignation, enfin, on ne prévoit la désignation que d'un référent harcèlement sexuel qu'on retrouve aux articles L2314-1 et L1153-1-5-1 du Code du travail, souvent, en fait, on constate dans la pratique que le référent est pour autant désigné pour le harcèlement sexuel et le harcèlement moral dans l'entreprise. La différence entre les deux types de référents, donc soit d'entreprise, soit CSE, tient en ce qu'il est désigné soit par l'employeur, soit par le CSE. Mais qu'il s'agisse du référent d'entreprise ou du référent CSE, ils font tous deux partie des autorités et services compétents en matière de harcèlement sexuel, au même titre que le médecin du travail, l'inspection du travail ou encore le défenseur des droits. Il faut les identifier comme des interlocuteurs privilégiés et il est donc primordial qu'ils détiennent des connaissances en matière de lutte contre le harcèlement pour mener à bien cette mission, ce qui signifie donc qu'il faut les former. Tout à fait. Et je vous confirme que chez nous, chez Jury Travail, notre référent harcèlement sexuel fait également office de harcèlement moral et je le salue parce que normalement, il est connecté à cette webconférence. Donc, que faire pour protéger la supposée victime d'éventuelles représailles et vers qui l'orienter? Donc là, effectivement, de l'expérience que j'ai pu vivre dans notre entreprise, hein, puisque malheureusement, ça arrive partout. On n'a pas été protégé de ce genre de fait. Et vraiment, la médecine du travail a été pour moi l'acteur vraiment primordial pour assister la victime. Je vous laisse compléter, maître. Oui, complètement, Myriam. Je dirais, premièrement, en réalité, il faut rompre l'isolement dans lequel la situation de harcèlement enferme nécessairement. Le médecin du travail est effectivement l'interlocuteur privilégié pour protéger le salarié qui se dit victime des faits de harcèlement. On ne peut que lui recommander à ce salarié de prendre par ailleurs rendez-vous auprès de son médecin traitant pour que celui-ci apprécie son état de santé. Et toujours d'un point de vue médical, on ne peut qu'inciter le salarié à consulter un psychologue du travail pour qu'il puisse, à l'aide du professionnel, prendre du recul sur la situation au travail qui lui est arrivée. Il faut aussi ne pas hésiter à se rapprocher des représentants du personnel ou encore d'un avocat. Vraiment, il ne faut pas sous-estimer la potentielle force dévastatrice de ces enquêtes. S'il décide de dénoncer, le salarié devra le faire soit directement auprès de l'employeur ou d'un de ses subordonnés, un manager par exemple, qui devra remonter l'information, soit auprès d'un représentant du personnel qui va pouvoir déclencher une alerte auprès du référent ou auprès du référent harcèlement. Il est conseillé au salarié de procéder d'abord par oral, pour savoir si son interlocuteur est sensible à sa dénonciation, puis par écrit, un mail ou un courrier par exemple, pour garder une trace. Mais je crois qu'il ne faut pas être naïf. L'organisation du travail peut réagir très durement à la suite de ces dénonciations, surtout si les accusations portent sur l'organisation du travail ou encore sur un poste de direction. Il faut que le salarié en ait conscience. Je lui conseillerais de s'assurer de soutien solide en interne avant de se lancer. Ça peut être difficile à vivre. Dans le cadre d'un contentieux, si l'employeur ne prend aucune mesure à la suite de la dénonciation des faits, ça aura pour effet d'engager inexorablement sa responsabilité en matière de santé et de sécurité. Très bien, merci beaucoup, maître. Et que faire dans le cas, et ça arrive malheureusement très souvent, et les questions que nous avons reçues en témoignent, que faire dans le cas où le salarié signale aux élus de CSE, par exemple, des faits de harcèlement dont il serait victime, mais qu'il leur demande surtout de ne pas en parler? Là, j'avoue que pour l'avoir vécu, là aussi, la médecine du travail a été d'une grande aide, puisque voir quelqu'un d'extérieur dire, elle aussi, que les faits qui étaient rapportés étaient vraiment trop graves pour qu'on puisse les garder pour nous a été vraiment, vraiment d'une aide précieuse. Je vous cède la parole, maître. Je crois que pour rebondir sur ce que vous évoquez, Myriam, ce qu'on peut essayer de faire dans un premier temps, je crois qu'on soit du côté de la direction ou du côté des représentants du personnel, c'est essayer de comprendre les raisons pour lesquelles le salarié ne veut pas en parler. Souvent, il faut être réaliste, il s'agit d'une peur de représailles. Il faut lui préciser que juridiquement, il bénéficiera d'une protection qui empêche, certes en théorie, toute sanction disciplinaire, hein, les arrêts de la jurisprudence, les arrêts de la Cour de cassation le confirment. Dans les faits, c'est pour ça qu'on ne peut que lui recommander de s'être assuré du soutien de plusieurs salariés, du soutien de plusieurs représentants du personnel pour asseoir la demande et cette action qu'il va lancer. Et pour libérer la parole, le salarié doit se sentir en confiance. Lorsque lui ou les personnes citées comme témoins seront interrogées, il vaut donc mieux que des personnes neutres soit à la direction de l'enquête. L'employeur serait sinon jugé parti et dans ce cadre, l'enquête doit être menée en étroite collaboration avec le CSE et donc la médecine du travail, comme vous l'évoquez. Pour laisser le temps aux salariés de prendre du recul sur la situation et avant de donner des noms, on peut envisager que le CSE puisse décider d'inscrire la problématique à l'ordre du jour d'une de ces réunions de manière anonyme, pourquoi pas en visant par exemple l'organisation pathogène de tel ou tel service. Ça forcera la direction à se pencher sur la question et à commencer à prendre des mesures pour prévenir les faits de harcèlement sans se retrancher derrière des noms. Le processus sera enclenché de cette façon-là. En effet. Et doit-on saisir forcément l'inspection du travail, Clémentine ? Alors en fait, si l'employeur procède aux mesures nécessaires pour faire stopper les faits de harcèlement et qu'il prend les mesures adéquates à l'issue de l'enquête, il n'y a pas de nécessité de saisir l'inspection du travail. En revanche, l'inspection du travail peut être saisie dans le cas contraire. L'inspecteur pourra lui-même enquêter en cas de carence de l'employeur. Il pourra faire état de cette carence, notamment en mettant en demeure l'employeur de prendre les mesures adéquates. Et si l'employeur ne donne aucune suite, cette démarche va pouvoir être utile aux salariés qui engagent la responsabilité de son employeur, notamment dans la preuve du non-respect de ses obligations légales. Très bien, merci beaucoup. Alors, dans le cas où un salarié se plaint cette fois-ci auprès de sa hiérarchie ou du service RH de faits de harcèlement dont il aurait été victime, l'employeur a-t-il obligation d'informer le CSE, d'informer le référent harcèlement sexuel, la commission CSSCT ? En réalité, on ne peut que déconseiller à l'employeur de faire cavalier seul. Piqûre de rappel des obligations générales. Il est important de rappeler que donc le CSE doit être consulté au titre de ses attributions générales sur les mesures de prévention du harcèlement mises en place par l'employeur. Le Code du travail prévoit aussi que le comité peut proposer des actions en matière de prévention du harcèlement moral et sexuel. Donc, s'il n'a pas d'obligation de prévenir les interlocuteurs privilégiés au sein de l'entreprise, il est préférable de prendre des mesures conjointement avec le CSE, le référent harcèlement, la commission santé-sécurité, la médecine du travail. Rappelons que c'est la société qui engage sa responsabilité en cas de contentieux prud'homal. Faire cavalier seul revient donc pour l'employeur à être jugé parti de la suite des mesures qui seront adoptées, alors qu'en faisant appel à des acteurs neutres, permet aux salariés victimes et aux salariés prétendument harceleurs d'être interrogés le plus impartialement possible. Très bien, merci. Alors maintenant, comment mettre en place donc une commission d'enquête ? De qui doit-elle être composée ? Est-ce qu'on doit forcément recourir à un expert et un employeur peut-il refuser la mise en place d'une enquête paritaire ? Alors, le Code du travail est silencieux sur les modalités de cette procédure. On sait seulement, notamment depuis une décision de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, que l'absence de mise en place de ces enquêtes est sanctionnée. Ce que nous dit la Cour de cassation, c'est que l'absence d'enquête interne après la révélation d'un harcèlement constitue une violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels qui cause un préjudice à l'intéressé, même en l'absence de harcèlement. Je crois qu'on peut dire en fait que l'enquête est en train de devenir incontournable. Sur la composition de la commission d'enquête, cette étape est primordiale pour pouvoir démontrer la neutralité et l'impartialité de la procédure, puisqu'à défaut, elle pourrait perdre de sa valeur probante en cas de contentieux. Une fois de plus, l'employeur doit éviter d'être jugé partie, même si l'organisation d'une enquête interne relève de son pouvoir et de ses obligations. Pour qu'elle soit la plus impartiale possible, il semble incontournable d'associer le CSE, la C2SCT et la médecine du travail. Nous avons assisté au cabinet à des enquêtes où le service ressources humaines ne se rendait même plus compte de sa partialité. Je citerai les mots de Montesquieu qui a expliqué que c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Insidieusement, sans s'en rendre compte et sans mauvaise intention. À ce titre, et pour éviter ces abus et les dégâts collatéraux du déni de l'abus d'autorité, on ne peut qu'inviter les services ressources humaines ainsi que les représentants du personnel à faire appel à des organismes externes spécialistes en la matière. Je pense notamment aux experts agréés désignés par les CSE. Le CSE peut forcer ce recours à l'expertise par ailleurs en cas de risque grave. En effet, c'est vrai que ça aide quand même énormément à la neutralité. On parle à chaque fois de collègues de travail et c'est très compliqué de prendre parti pour l'un ou pour l'autre en tant qu'élu et que représentant du personnel. Donc venons-en maintenant aux enquêtes en elles-mêmes. La loi ne précise pas vraiment comment on doit les mener. En revanche, on a une très riche jurisprudence qui vient éclairer sur ce qu'elle doit être ou ne pas être. Donc, pourriez-vous nous décrire comment une enquête doit être réalisée? Doit-on plus s'attacher aux faits ou à la culpabilité ou la responsabilité des personnes? Inexorablement aux faits. Je crois qu'il faut être factuel, se débarrasser d'une vision trop personnelle, éviter à tout prix les jugements de valeur. Le harcèlement est une notion complexe, multifacette, sans rapporter aux faits et aux droits fondamentaux sont des guides précieux. Si ça peut paraître difficile, fastidieux, je suis convaincue qu'à terme, tous les interlocuteurs de l'entreprise ont à gagner au respect des droits fondamentaux. En management, on parle souvent d'exemplarité. Elle passe par l'engagement des ressources humaines à suivre un processus juste et équitable. Les institutions représentatives du personnel doivent être formées à ces questions pour le rappeler, le cas échéant, au service des ressources humaines. Or, pour mener l'enquête avec une exigence d'impartialité, il faut revenir aux principes juridiques fondamentaux qui guident l'employeur dans les mesures entreprises. Je rappellerai évidemment le principe du contradictoire, l'article 600 de la CEDH, et l'article 14 du Code de procédure civile. Qu'est-ce que c'est que le principe du contradictoire? C'est un principe qui garantit aux parties qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues, du moins appelées à l'être, et leur garantit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à leur encontre. Je rappelle le principe de loyauté prévu à l'article L1222-4 du Code du travail, en vertu duquel le salarié visé par l'enquête doit être informé et y être associé, et donc interrogé. La loyauté est entendue comme une manière d'être de la recherche des preuves, conforme au respect des droits de l'individu et à la dignité de la justice, selon le doyen Bouza. Je rappelle aussi le droit à un procès équitable, l'article 6.1 de la CEDH, qui signifie que toute personne a droit d'être jugée par un juge indépendant et impartial dans le cadre d'un procès équitable. Le juge prendra sa décision en application du droit après avoir entendu chacune des personnes concernées dans le respect des règles de la procédure. Partant de cela, l'employeur doit s'attacher aux faits plutôt qu'à la culpabilité du salarié prétendument harceleur. J'insiste sur le mot prétendument car à ce stade de l'enquête, les faits ne sont pas encore matériellement établis. En se basant sur les faits plutôt que sur un salarié en particulier, par des questions objectives du style avez-vous eu connaissance ou été témoin d'agissements sexistes? Le salarié interrogé ne sera pas guidé dans les réponses, il ne sera pas orienté et ses réponses auront d'autant plus de poids pour apprécier la matérialité des faits. Il y a donc, je crois qu'on peut le dire, un double avantage. On peut parler de cercle vertueux. D'une part, ne pas mener une enquête à charge contre un salarié qui, à ce stade, est seulement suspecté d'avoir commis, et puis, par ailleurs, renforcer la force probante de l'enquête. Très bien, en effet, merci, merci beaucoup. Et alors, quelle méthodologie doit-on appliquer à l'enquête afin de s'assurer justement de l'objectivité des auditions? Alors, concrètement, le déroulement d'une enquête va pouvoir suivre différentes étapes. Après que les faits ont été dénoncés, l'employeur doit, comme on l'a dit, se rapprocher du CSE, de la CSSTT, de la médecine du travail pour que les membres de la commission soient désignés, afin de libérer la parole des salariés et éviter une situation jugée partie telle que nous en parlons depuis le début de la webconférence. Il est préférable qu'un représentant de la direction qui n'est aucunement impliqué de près ou de loin par les faits qui ont été dénoncés, donc par exemple ça peut être un RH, accompagne une délégation de représentants du personnel librement désignée par le CSE en réunion extraordinaire. Il va s'agir ensuite, dans un premier temps, d'établir un questionnaire qui sera un support aux auditions et qui présentera des questions parfaitement objectives et qui sera utilisé pour chacune des personnes qui vont être interrogées. On peut se fixer pour cela les règles suivantes. Ne jamais viser un salarié en particulier, ni la victime, ni le salarié suspecté d'être harceleur, si ce n'est de viser le service en question. Et ensuite, il faut essayer de poser des questions ouvertes. Comme par exemple, parlez-moi de l'ambiance de travail au sein de votre service, les questions ouvertes permettant, comme on a dit, aux salariés interrogés d'être libres de répondre comme ils le souhaitent et de ne pas être guidés. Ensuite, dans un second temps, il va s'agir de définir le périmètre des auditions, notamment d'entendre ceux qui peuvent aider à la compréhension de la situation. Sachant qu'il n'est pas impératif que toutes les personnes se plaignant de harcèlement soient entendues, la Cour de cassation a récemment jugé en janvier 2020 qu'une enquête, même non exhaustive, doit dans tous les cas être examinée par le juge en cas de contentieux. Et en revanche, l'audition des seuls salariés accusés de harcèlement sur les 16 employés au sein du service ne constitue pas une enquête valide, et c'est ce qu'a considéré la Cour d'appel de Chambéry en 2007. Très bien, merci beaucoup. Alors, concernant l'aspect d'enquête à charge et à décharge, et l'un de nos internautes nous l'a rappelé également dans ses questions, la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt qui laisse songeur. C'est un arrêt du 17 mars 2021. Pouvez-vous nous présenter cet arrêt? Ouais, c'est un arrêt qui laisse effectivement songeur. Je partage cet avis. Rappelons d'emblée que normalement, une enquête doit être interne et contradictoire. C'est la Cour de cassation qui le disait le 27 novembre 2019. Et il est vrai pour autant que récemment, la Cour de cassation a jugé que ne constitue pas une preuve déloyale le rapport d'enquête secrète réalisé dans l'entreprise par un organisme extérieur en vue de recueillir des témoignages après que des faits de harcèlement ont été dénoncés. Dans cette affaire, le salarié auquel les faits de harcèlement étaient imputés n'avait pas été informé de l'enquête et n'avait pas été entendu dans le cadre de cette enquête. La Cour de cassation a validé, contre toute attente, la preuve du licenciement fondée sur cette enquête. Je crois qu'on peut le dire, cet arrêt, on brèche le principe du contradictoire et plus largement du droit à un procès équitable. Et sincèrement, c'est en réalité une bonne nouvelle pour personne. Si le salarié victime de faits constitutifs de harcèlement doit être protégé, le salarié qui est prétendument harceleur bénéficie également de droits pour faire valoir ses arguments. Plébisciter un système où le salarié incriminé n'a pas eu l'occasion d'être interrogé sur les faits prétendument commis sans qu'il ne puisse se défendre renvoie, à mon sens, à des heures sombres de l'histoire, et ce, quelle que soit la gravité des faits qu'il a commis. Ça pourrait revenir, en fait, à licencier un salarié pour des faits que l'employeur considère comme matériellement établis, sans même convoquer au préalable le salarié concerné pour qu'il puisse apporter des explications quant au fait qu'on lui reproche. Dans la pratique, on constate de plus en plus de dérives lors de ces enquêtes pour harcèlement visant à prendre à partie les salariés visés par l'enquête, par exemple. Il faut que l'employeur et les représentants du personnel cadrent les modalités de cette enquête pour qu'elle obéisse à tous les principes juridiques en la matière. On l'a rappelé tout à l'heure, mais ça se décline de la façon suivante. La composition de la commission d'enquête, le déroulé de l'enquête, le contact du médecin du travail et de l'inspection du travail, l'élaboration du questionnaire d'enquête, la rédaction du rapport d'enquête, les modalités de restitution. En effet, merci beaucoup. Et c'est vrai que oui, cet arrêt a surpris, je pense, quasiment toute la communauté du droit du travail. Dans quelle mesure peut-on obliger un salarié à être auditionné dans le cadre d'une enquête? Là aussi, c'est pareil, dans le cadre des auditions, certains salariés doivent avoir peur de représailles et ne souhaitent pas se présenter aux auditions. Quels sont les recours possibles? Alors, rappelons quand même que le salarié répond aux obligations légales et contractuelles auxquelles il est tenu. L'employeur dispose d'un pouvoir de direction. Si le salarié est convoqué sur son temps de travail, il doit s'y présenter, sans quoi on pourrait lui faire le reproche, on pourrait lui reprocher une faute. En réalité, il faudrait que le contrat de travail soit suspendu, notamment dans le cas d'un arrêt maladie, pour que le salarié ne soit pas contraint de se rendre à cette audition. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question qui nous a été envoyée concerne la durée des enquêtes. En moyenne, ça dure combien de temps? Alors, c'est difficile à dire. Ça dépend de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés interrogés, notamment. Ça va aussi dépendre de la pratique de l'entreprise, parce que si l'entreprise n'associe pas les représentants du personnel et décide de faire cavalier seul, sans restitution, l'enquête va pouvoir durer finalement seulement quelques jours, le temps de convoquer les salariés, de les auditionner. En revanche, si l'employeur décide d'associer tous les interlocuteurs privilégiés pour garantir les droits de toutes les parties concernées, l'enquête va nécessairement prendre plus de temps, le temps de désigner les membres de la commission, les modalités de l'enquête, etc. Donc, une fois de plus, négocier les modalités de l'enquête, pourquoi pas, dans le cadre d'un accord d'entreprise, ça peut se révéler utile. En connaissant à l'avance les modalités objectives de l'enquête, les membres neutres de la commission y participant, un modèle de questionnaire à modifier selon les spécificités des faits dénoncés, un temps précieux va pouvoir être gagné. Sachant que l'employeur a un délai maximum de 2 mois qui court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits pour déclencher la procédure disciplinaire à l'encontre de son auteur. Il faut juste préciser que si la victime engage des poursuites pénales, ce délai de 2 mois est suspendu et l'employeur pourra donc attendre l'issue des poursuites. Très bien, merci. En effet, c'est une piste de négociation d'accord collectif. Pourquoi pas l'intégrer dans un accord QVT, par exemple? Ça rentre dans le rôle de prévention de tous ces faits de harcèlement. Et avoir un déroulé uniquement à faire parce qu'on a anticipé la gestion de ce genre de problème peut être effectivement un gain de temps considérable. Quelle preuve la commission d'enquête peut-elle être amenée à demander pour se forger un avis? L'avis de la commission va principalement se forger sur le témoignage des personnes qui ont été interrogées. Pour corroborer les faits qu'il dénonce, le salarié peut aussi transmettre à l'employeur des documents qu'il considère utiles pour sa défense, comme par exemple des mails ou des SMS, mais en prenant soin au préalable de respecter le principe de loyauté en matière de preuve. Donc, à titre d'exemple, le salarié n'est pas autorisé à enregistrer un autre salarié en l'absence de son accord préalable. Et en tout cas de présenter, oui, c'est encore moins de présenter cet enregistrement. À qui doit être communiqué le rapport d'enquête, pardon, et que doit-il contenir, notamment en termes d'anonymisation des auditions, par exemple? Au terme des auditions, il est impératif d'établir un compte-rendu d'audition qui consiste en fait en la retranscription des déclarations. Ça, c'est une jurisprudence de la chambre criminelle qui vient nous le préciser. La direction doit être en possession du rapport d'enquête dans son entièreté pour considérer si les faits sont matériellement établis ou non. Il ne doit être transmis à aucun autre organe de l'entreprise, même au CSE, en l'absence de l'accord des salariés interrogés. En revanche, le salarié harceleur doit avoir connaissance du rapport d'enquête, des faits précis et circonstanciés lui étant reprochés et des personnes interrogées pour pouvoir se défendre tout simplement correctement. Certains des témoins peuvent souhaiter garder l'anonymat. On peut alors se poser la question de savoir Quelle est alors la portée des témoignages anonymes? Et là-dessus, la Cour de cassation répond que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. Le salarié suspecté doit pouvoir se défendre une fois encore. La jurisprudence récente ne va pas dans ce sens et a encouragé la réalisation d'enquêtes internes pour laquelle le salarié n'est même pas interrogé et n'a donc pas connaissance du contenu de l'enquête ni des noms des salariés concernés. Au nom de la protection des victimes du harcèlement, cette fois-ci, une fois de plus, c'est très dangereux pour les droits fondamentaux des individus, le salarié n'ayant pas pu débattre contradictoirement des faits lui étant reprochés. On ne peut que souhaiter donc que la Cour de cassation ne reproduise pas une telle décision, on l'espère, liée à un contexte très particulier. En effet. Et que risque l'employeur s'il ne prend aucune mesure, donc à l'issue d'une enquête qui aurait reconnu l'existence de faits de harcèlement au sein de l'entreprise? Alors, le Code du travail ne fixe pas la sanction à envisager. La Cour de cassation considère que, par exemple, le harcèlement sexuel constitue nécessairement une faute grave, elle, pour le coup. La faute va dépendre, en fait, des circonstances et du comportement du salarié présumé harceleur et des organisations de travail mises en place. La Cour de cassation considère que le salarié qui a harcelé moralement ses subordonnés, mais qui était lui-même harcelé par sa hiérarchie, ne pouvait pas être licencié pour faute grave. Seulement, en l'occurrence, dans cette jurisprudence du 29 janvier 2013, pour une cause réelle et sérieuse. Cependant, en 2020, la Cour de cassation a considéré, dans un autre exemple, que le fait de tenir à l'encontre d'une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel et sexiste caractérise une faute grave, peu important l'ancienneté de l'auteur de tels propos et sans que l'absence d'antécédents disciplinaires puisse jouer. Cette fois-ci, c'est un arrêt du 27 mai 2020. J'ajoute que la Cour de cassation vient de juger que le fait de se contenter d'un avertissement sans prendre aucune mesure pour éloigner l'auteur du harcèlement, en l'occurrence, il s'agissait d'harcèlement sexuel, représente un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Et cette fois-ci, c'est un arrêt du 17 février 2021 qui vient traduire, je précise que vous aurez toutes les jurisprudences qui vous seront communiquées par la suite pour pouvoir vous référer aux arrêts qui sont cités. La vigilance de l'employeur doit s'inscrire dans la durée. En fait, si après une certaine accalmie et l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié mis en cause, finalement, il s'avère que le harcèlement persiste, l'employeur sera considéré comme n'ayant pas pris de mesures suffisantes pour faire cesser le harcèlement. Cette fois-ci, c'est un arrêt du 6 mars 2019 qui est venu encadrer et préciser ce contour-là. S'il n'a pas pris les mesures nécessaires et que les faits de harcèlement sont avérés, il engage sa responsabilité. Il encourt également, comme nous l'avons déjà expliqué, d'être condamné à des dommages et intérêts, à une rupture par prise d'acte, une résiliation judiciaire du contrat, mais aussi à la reconnaissance de sa faute inexcusable, si la pathologie du salarié est reconnue d'origine professionnelle par la CPAM. Très bien. Alors, je regarde juste l'heure qui tourne quand même. Je préviens nos internautes, il ne nous reste plus que 3 questions. Donc, on devrait être un petit peu en retard, mais pas trop. Alors, une question en lien encore avec ces enquêtes, mais un petit peu teintée de RGPD, donc de protection des données. J'imagine que c'est quelqu'un au RH qui nous a envoyé cette question. Combien de temps doit-on conserver toutes les données liées aux enquêtes menées en entreprise? Pour se prémunir en cas de contentieux, l'employeur peut être amené à conserver pendant 5 ans au minimum le rapport d'enquête qu'il a mené. En effet, la prescription des faits constitutifs de harcèlement étant de 5 ans, il peut être amené à devoir justifier du respect de ses obligations jusqu'à 5 ans après le dernier fait de harcèlement commis. Et cela colle également avec l'obligation de l'employeur de conserver les documents concernant les observations et mise en demeure de l'inspection du travail, ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail. Et c'est l'article D4711-3 du Code du travail qui est visé ici. Très bien. Et bien évidemment, tout le temps des procédures jusqu'au dernier recours possible, on garde les pièces liées aux enquêtes. Donc, on aborde notre dernière partie qui concerne les recours possibles. Quels sont les recours pour un salarié licencié pour faute grave suite à une enquête de harcèlement? Peut-il saisir, enfin, et on imagine donc que les faits de harcèlement n'ont pas été reconnus dans l'enquête, peut-il saisir les tribunaux à l'encontre du salarié qui s'est déclaré harcelé pour dénonciation calomnieuse? Il faut avoir à l'esprit qu'une enquête interne concluant à l'inexistence d'un harcèlement moral en l'occurrence, ne lie pas le juge. Ça, c'est la Cour de cassation qui le précise dans un arrêt du 8 juin 2010. Dans un arrêt du 8 janvier 2020, elle a censuré un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui avait jugé que pour répondre à l'exigence d'exhaustivité et d'impartialité, l'enquête interne diligentée par l'employeur devait consister à entendre la totalité des collaborateurs du salarié. Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel ne pouvait pas exclure la preuve du harcèlement moral au motif que seule la moitié des collaborateurs avait été entendue. Tout salarié licencié pour faute grave, en réalité, peut contester le bien fondé de son licenciement devant le Conseil de prud'homme. Il faut alors que l'employeur démontre la véracité et le sérieux des faits lui étant reprochés et ayant justifié son éviction de l'entreprise. L'employeur va s'appuyer sur l'enquête pour prouver la faute. L'enquête reste donc déterminante à ce stade-là aussi. S'il s'avère que l'enquête n'établissait finalement pas la matérialité des faits, le salarié ayant dénoncé les faits dispose d'une immunité en vertu de l'article L1152-1 et suivant du Code du travail. Il ne sera sanctionné que si l'employeur démontre qu'il a agi avec mauvaise foi. Au pénal, il existe une action en diffamation calomnieuse réprimée par les articles L226-10 du Code pénal et R621-1. Dénonce des faits de harcèlement moral ou sexuel, conformément aux dispositions précitées du Code du travail, ne peut pas être pénalement responsable au titre d'une diffamation qu'à la seule condition d'avoir porté ces accusations auprès des organes chargés de veiller à l'application du Code du travail. Et en l'occurrence, il s'agit de la RH, la RRH, le service juridique, l'inspection du travail. Là, évidemment, il n'y aura pas de dénonciation calomnieuse possible. Si le salarié qui a diffusé trop largement des accusations de harcèlement peut être sanctionné pour diffamation, il faut quand même se méfier de ça. Le fait de le faire pourrait étouffer la libération de la parole au sein des entreprises. En effet. Et donc, à contrario, si l'enquête a été bâclée ou mal réalisée et que le salarié harcelé dispose de preuves, quelles sont les différents recours qui s'offrent à lui? En réalité, les mêmes que ceux précités, ces preuves pourront conforter son argumentaire et contrer celui de l'employeur. Mais je crois qu'il faut être réaliste, c'est en amont de ce résultat qu'il faut travailler. Il faut absolument se saisir du cadre de l'enquête avant d'imaginer en contester les conclusions. Interpeller sur le respect absolu des droits fondamentaux, sur l'association nécessaire des services de santé au travail. Une fois la conclusion de l'enquête rendue, il sera difficile de lutter contre ça. Chaque acteur doit prendre ses responsabilités. L'affaire est sérieuse. Nous récupérons régulièrement des salariés, je crois qu'on peut le dire, traumatisés à la suite de ce genre d'enquête. Et là, je crois qu'on peut rejoindre que ce soit les victimes comme les auteurs des faits. Les institutions représentatives du personnel doivent se former, les services ressources humaines doivent jouer le jeu du respect des droits fondamentaux. Merci beaucoup. Donc, cette web conférence arrive à son terme. On est à peu près dans les temps. Donc, c'est parfait. J'espère que ce format vous aura plu et que vous aurez obtenu réponse à vos questions. N'hésitez pas à contacter Maître Bélanger pour des conseils juridiques. J'ai vu des questions passer sur des situations particulières de personnes qui se pensaient victimes de harcèlement et qui ont été licenciées à la suite de cela. N'hésitez vraiment pas à contacter Maître Bélanger. Ne restez pas seul dans cette situation. J'invite également donc les élus à nous rejoindre dans nos deux groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn où nous pourrons continuer les échanges. Mes collègues vous transmettent actuellement les liens de ces groupes sur le chat. Merci encore à vous, Maître Bélanger, et à vous, Clémentine, de nous avoir éclairés sur ce sujet douloureux. Et merci d'avoir accepté d'animer cette web conférence avec moi. Merci à vous, Myriam. Merci à l'équipe de Jury Travail de nous avoir permis de discuter de ce sujet qui nous tient à cœur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine web conférence qui aura lieu le 20 mai sur un sujet donc radicalement différent que certains d'entre vous ont demandé à ma collègue Emma Chevalier sur LinkedIn. Il s'agit de la formation et des obligations de l'employeur en matière de formation. Là encore, mes collègues vous transmettent le lien pour vous inscrire à cette prochaine web conférence. Sur le chat. Merci vraiment à tous d'avoir assisté à cette web conférence. Au revoir et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.